C'est le moment de la chronique technologie d'information de Raymond Poirier, qui est chargé de communication à Litis. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Et aujourd'hui, bien, t'as un invité avec toi. Exactement, parce que, comme à l'habitude, en fond, on aime bien mettre la table en route vers certaines activités qu'on propose, et notamment, jeudi de cette semaine, le 27 novembre, on propose une conférence à la bibliothèque Gabriel Leroy sur les stratégies électorales des partis politiques sur les médias sociaux à travers l'exemple de la campagne provinciale de 2012. Et c'est une conférence qui va être offerte par le professeur au département de sciences politiques à l'Université Laval, Thierry Giasson, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et la question initiale, pourquoi justement à travers l'exemple de la campagne électorale provinciale de 2012? C'est une excellente question. Il y avait un concours de circonstances lié à du financement. Et c'est ça, les professeurs d'université, on aime bien avoir du financement pour faire nos recherches. Mais j'avais un projet d'analyse comparative avec une collègue française qu'on voulait mener. L'occasion de financement est arrivée au début de 2011. Et très vite, on a mis en place le projet et il allait avoir la campagne présidentielle en France. Et on s'attendait à une campagne provinciale au Québec, qui finalement s'est avérée. Et on a pu donc mener nos analyses. On a eu le financement d'ailleurs pour faire le projet. C'est pas non plus un hasard parce que c'est sans doute, c'est le constat auquel on est arrivé, c'était la première vraie campagne 2.0 au Québec. C'était la première fois que tous les partis politiques concouraient avaient des présences sur l'ensemble des plateformes web. Ils avaient évidemment depuis très longtemps des sites web, mais pour la première fois, tous les grands partis, tous les partis organisés, incluant les nouveaux, il y avait de nouvelles formations. On pourrait parler là, des trois partis plus traditionnels, le Parti libéral, le Parti québécois, puis Québec solidaire, qui avaient des présences partout, hein, qui avaient des campagnes très élaborées. Et on s'attendait à ce que ce soit ça, et ça s'est avéré en effet. Donc 2012, première vraie campagne web déclinée sur toutes ces plateformes au Québec. Mais est-ce que c'était nécessaire pour les partis d'être sur les réseaux sociaux en 2012? Je pense que c'était une figure attendue d'eux. Hein. Les journalistes politiques, les correspondants parlementaires sont très présents, principalement sur Twitter. Ils suivent de très, très près ce qui se passe. Ils ont des contacts avec les politiciens quotidiennement et ils s'attendaient à ce qu'il y ait énormément d'activités sur Twitter. Ils voulaient ça aussi, je pense, beaucoup. Donc, on a énormément amplifié la possibilité que ce soit une vraie campagne de .0 et c'était attendu des partis. Donc, les partis ont joué le jeu. Et puis, il y avait, pour certains partis, des clientèles à atteindre par ces présences-là. C'est ce que notre enquête a révélé. Le Parti libéral s'y est mis assez tard. Hein. Ils ont fait une entrée massive dans les médias sociaux à partir de 2011. Et donc, en 2012, ils étaient prêts à investir cet espace-là. Et j'ai l'impression, quand on parle de l'espace du web en politique, le premier référent qu'on a, c'est la campagne de Barack Obama en 2008. Mmh. C'est un peu le moment où, au niveau politique, j'ai l'impression qu'on s'est rendu compte du potentiel qu'il y avait derrière ce type de médias-là. Oui. Alors, la campagne de 2008, elle est largement couverte dans la littérature. On en parle beaucoup, principalement, dans la littérature américaine. Il y a un débat hein, sur la campagne de 2008. Tout le monde se revendique de cet héritage-là. Tout le monde parle de l'importance transformative que ça a eu dans l'organisation des campagnes. Il faut comprendre que la campagne de 2008 de Barack Obama, c'est un cas unique. La campagne de 2012 de Barack Obama n'a pas du tout ressemblé à sa campagne de 2008. Et il y avait depuis déjà plusieurs cycles électoraux aux États-Unis une préoccupation importante, en particulier chez les démocrates, d'investir cet espace-là. Mais c'est vrai que la campagne de 2008 de Barack Obama a créé quelque chose de nouveau, c'est-à-dire d'établir une plateforme de mobilisation des internautes, donc d'essayer de mobiliser cet électorat qui est moins présent dans les créneaux de médias traditionnels, qui sont très politisés, très sophistiqués, qui participent plus. C'est le cas aussi au Québec et en France, là, les internautes politiques, c'est des gens qui sont, que moi j'appelle des hyper-citoyens. Donc c'est des gens qui sont très présents dans la cité, qui s'informent beaucoup, qui participent beaucoup, qui votent davantage, donnent davantage aux partis politiques, ont plus de chances d'être des membres de partis politiques, ils sont militants citoyens, ils sont partout, et ils sont sur le web. Et Barack Obama, sa campagne a modifié la donne en réussissant à mobiliser ces gens-là en ligne pour pouvoir ensuite les mobiliser hors ligne et faire sortir le vote. Et ça, ça a donné quelques idées, en particulier à des gens au Québec, de tenter de créer des plateformes similaires. Et on en a vu deux pendant la campagne de 2012. L'atelier du Parti québécois, qui a été conçu par quelqu'un qui a fait des stages dans l'organisation de Barack Obama. Donc, c'est pas un hasard s'il y avait cette préoccupation pour les militants en ligne. Et puis, Québec solidaire, qui avait aussi créé une plateforme qui s'appelait Agir, où on tentait de mobiliser les gens à l'intérieur des circonscriptions pour les amener à, les militants en ligne, les internautes politiques, pour les amener à poser des gestes sur la campagne de terrain. Parce que ça devient, dans le fond, le web d'abord un outil de mobilisation pour mobiliser, rassembler ces militants, plus que d'abord un outil de communication politique ou un peu des deux? C'est essentiel. En tout cas, nos données, on a fait des entretiens avec des stratèges dans tous les partis politiques au Québec. On a rencontré 19 stratèges, donc des gens qui étaient responsables de l'idéation et des gens qui étaient responsables de l'application de la campagne en ligne. L'objectif premier de faire campagne en ligne, c'est de faire de la com. Donc, c'est de diffuser le message, de corriger le message, d'attaquer les adversaires, de répondre aux attaques, de se mettre en valeur, de personnaliser sa campagne. Donc, on est vraiment dans le créneau de la com. Mais pour certains autres partis, les plus petits partis, les partis comme Option nationale, Québec solidaire, la coalition Avenir Québec aussi, dans une certaine mesure, il y avait aussi, et puis le Parti québécois, il y avait cette volonté, cet objectif aussi de mobiliser. Mais à l'inverse, on parle de communication plutôt positive, mais si on ne connaît pas les codes des réseaux sociaux, c'est aussi facile de faire des gaffes. Et il y en a quelques-uns qui se sont mis les pieds dans la bouche, peut-être pas en 2012 ou dans la plus récente. Est-ce que... En 2012, François Legault... OK, je me rappelais pas si c'était dans la dernière, parce voilà. Que ça a comme été... François Legault, première campagne, monsieur Twitter, ouais. Qui tweetait plus vite que son nom. François Legault a tweeté, on a aspiré, nous, tous les tweets qui ont été faits sur les fils officiels de parti, et on avait accès par le fil de la coalition au retweet des tweets de François Legault. Et puis, on a aussi archivé ce que François Legault diffusait sur Twitter. Et c'est de loin le compte le plus actif de toute la campagne. Monsieur Legault a tweeté presque 3000 tweets pendant la campagne. C'est presque 80 tweets en moyenne par jour. Il tweetait sans arrêt. Et c'est lui, et tous les gens dans son organisation nous l'ont confirmé, c'est lui qui a tweeté tous ces tweets-là à une exception. Et donc, il était hyper actif. Et donc, François Legault a testé des choses. C'était la première fois qu'il se mettait là-dessus. Il s'était mis à Twitter quelques mois avant. Et il a commis quelques impairs. Oui. Il y a eu quelques tweet fights avec Martine Desjardins. On peut se souvenir de celle-là en particulier, là, où ils s'étaient interpellés l'un l'autre. Et c'est intéressant, Thierry Jasson, dans la mesure où vous disiez tout à l'heure, l'internaute politique est un hyper-citoyen, donc déjà plus actif. Et on dit souvent de l'ensemble des médias sociaux sur Twitter, ils sont encore plus spécialisés. C'est un média encore plus d'initiés, si on peut dire, que le sont d'autres médias. Donc, au bout du compte, il y a une dynamique différente aussi dans ce type d'outils-là. C'est une communauté très intime, la communauté de la twittosphère politique au Québec. Et les partis sont très, très conscients. Ils connaissent très bien les différentes clientèles qui sont sur les différentes plateformes. On a fait beaucoup, beaucoup de suivi, de veille. On a utilisé des données, on a fait du ciblage, par exemple, au Parti québécois, à la coalition aussi. On colligeait beaucoup de données, les entreprises de réseaux sociaux, Facebook, Twitter, fournissent d'emblée des métadonnées à leurs usagers, puis en particulier aux entreprises ou aux organisations qui ont des comptes d'entreprise. Et ça, ça leur permet de voir qui les suit, qui sont les gens qui suivent davantage la page Facebook de Mme Marois par rapport à la page Facebook du parti. Donc, on peut moduler les contenus. Et évidemment, ils étaient tous très conscients qu'ils ne parlaient pas à l'électeur médian sur Twitter. Ils savaient qu'ils parlaient à des leaders d'opinion, mais surtout aux médias. Et on utilisait Twitter comme un premier espace pour entrer en contact avec les médias, pour entrer en contact aussi avec les autres militants, les ambassadeurs des partis. Tous les partis avaient des équipes de militants, de super militants là, qui tweetaient constamment pour recadrer, diffuser le message, recadrer. Donc, on s'adressait à eux, on posait des attaques, on recadrait des messages. Et on le faisait principalement sur Twitter. Twitter, c'était vraiment la première porte d'entrée. Puis, ce qui était diffusé ensuite sur Twitter se redéclinait d'autres façons dans les autres espaces. Et tout ça, ça vient, j'imagine, changer un peu la dynamique de préparation d'une campagne, la stratégie politique. On peut émettre plus, on peut émettre sans filtre, etc., etc. Donc, il faut surtout émettre rapidement, puis il faut réagir rapidement. Donc, l'impact que ça a eu sur l'organisation des campagnes au Québec, ça a été de décupler les équipes de campagne web. On parle de très grosses équipes au Parti libéral, au Parti québécois. À Québec solidaire, on avait 10 à 20 personnes qui étaient responsables d'alimenter et de gérer, de modérer les espaces de campagne. Et la campagne, elle s'arrête pas sur les médias sociaux. Donc, il y a des équipes qui avaient des quarts de travail. Il y a des gens qui travaillaient la nuit pour s'assurer que lorsqu'il y avait des questions d'internautes qui étaient présentées, on puisse y réagir assez rapidement, recadrer, éliminer des contenus qui ne suivaient pas la netiquette des différents partis. Donc, ça a eu comme impact d'imposer de grosses équipes de campagne web à l'intérieur de ces organisations-là. Et ça a été une transformation assez importante. En 2012 aussi, on a mis au cœur de l'organisation des campagnes la campagne web. On a compris que on pouvait plus traiter le web seulement comme un autre espace dans lequel on faisait campagne. Et les stratèges web ont été intégrés très tôt dans l'élaboration générale des campagnes. Mais on parlait de débat tout à l'heure. Le web et les réseaux sociaux apportent cette facilité-là à débattre avec n'importe qui, n'importe quand. Finalement, est-ce que c'est une bonne chose ou c'est un terrain glissant? C'est un terrain très glissant pour les partis politiques qui sont très préoccupés par la cohérence de leurs messages pendant les campagnes électorales. C'est l'obsession des partis politiques. On ne veut pas perdre le contrôle de son message. Et donc, il y a un énorme compromis à faire lorsqu'on décide de jouer la carte des médias sociaux. Nos données d'analyse de contenu nous montrent qu'ils sont très peu, en fait, dans le dialogue. Ils modèrent des espaces, ils répondent à quelques questions, mais la présence et la fonction première qui est assumée sur les médias sociaux, c'est principalement de la diffusion de contenu plutôt que du dialogue ou de l'interaction avec les internautes. Et est-ce qu'on a l'impression que dans la campagne de 2012, l'utilisation des médias sociaux a eu un impact réel sur le choix des électeurs, sur les conséquences de cette élection-là, ou c'était vraiment un test, une expérience que les partis ont fait au bout du compte? C'est intéressant. J'ai l'impression que pour différents partis, les résultats ont été évalués différemment. Je pense qu'il y avait cette notion d'expérience, là, de jouer le jeu et de se prêter à l'exercice de la façon la plus exhaustive possible. Il y a quelques partis, quelques stratèges qui ont voulu nous révéler leurs analyses. Et c'était très... évidemment, on parle vraiment de recettes et ils sont... Même s'ils parlent d'un prof d'université qui leur promet la confidentialité, ils sont très prudents. Donc, on a été un peu plus ouverts au Parti québécois pour nous dire qu'on faisait un suivi. De là à faire une adéquation entre l'activité en ligne et les résultats, personne ne s'est aventuré là-dessus, personne n'a voulu confirmer quoi que ce soit. Ce qui est intéressant, c'est que donc, moi, j'ai suivi la campagne de 2014 à l'étranger et je suis très pris encore dans cette analyse. On a énormément de données à traiter. Donc, on n'a pas analysé, on n'analysera pas la campagne, mais je l'ai suivi et j'ai vu des façons d'agir très, très, très différentes. Un mode de réaction un peu moins fort, une campagne en ligne moins étoffée, par exemple chez Option Nationale ou même chez Québec solidaire qui avait été hyper actif pendant la campagne de 2012. Puis d'ailleurs, tout le monde nous le disait, si le niveau d'activité d'une campagne était garant d'une victoire, en 2012, ça aurait dû être Option Nationale ou Québec solidaire qui remporte l'élection. Ils étaient partout. Leurs adversaires le disaient, ils ont été battus à plate couture par ces deux organisations-là dans les campagnes en ligne. Et puis, ben, ce sont pas eux qui ont formé le gouvernement, ni même l'opposition. Et jeudi 27 novembre à la conférence, c'est un survol de tout ça en lien avec les résultats de l'étude de 2012. Voilà, donc je vais présenter des données qui parlent des objectifs de campagne. On va revenir aussi sur certaines caractéristiques de la campagne de chacun des partis. On va vraiment tracer le profil des actions qui ont été mises en place par les partis sur le web, mais en particulier sur les médias sociaux. Je vais présenter quelques images qui vont nous rappeler cette campagne-là. Oui, ça risque d'être assez intéressant. Mais on va beaucoup parler des objectifs de chacun des partis. Et ça, c'est, je le rappelle, jeudi 27 novembre de 19h à 20h30, à la bibliothèque Gabriel Roy. La conférence s'intitule Québec 2012 avec le petit hashtag à l'avant, les stratégies électorales des partis politiques sur les médias sociaux. Une conférence donc du professeur Thierry Giasson du département de sciences politiques à l'Université Laval. Monsieur Giasson, merci beaucoup. Merci. beaucoup. Oui, merci beaucoup. Raymond, merci à toi aussi. Ça me fait de plaisir. Nous avoir amené un invité aussi intéressant. Alors, rendez-vous pour la conférence. J'aime ça parler des réseaux sociaux et surtout des tweets de François Legault. Alors, donc, oui. Conférence jeudi. Exactement. Donc, je serai là. Et sinon, Raymond, bien, on se reparle la semaine prochaine. On retrouve aussi tous les détails sur le site de l'ITIS. Oui, itis.ulaval.ca.